Leçon 1, page 74, activité 2 et 3, piste 61. Emma, nous avons cours d'anglais le mercredi. Non, le mercredi, on a français et musique. J'aime bien cette langue. Et quand est-ce que nous avons cours de maths? Le mardi et le jeudi. Et le cours d'art plastique? C'est le vendredi.